The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To take. Prendre. Car. La voiture. Metro. Le métro. To be. Être. Environmentally friendly. Écologique. Now, a bit faster. To be. Être. To take. Prendre. Car. La voiture. To take. Prendre. Environmentally friendly. Écologique. To be. Être. Car. La voiture. To take. Prendre. Now, use the words in context. Prendre. I take the train. Je prends le train. La voiture. I have a car. J'ai une voiture. Le métro. The metro is fast. Le métro est rapide. Être. It's simple. C'est simple. Écologique. It's very environmentally friendly. C'est très écologique. La voiture. I have a car. J'ai une voiture. Le métro. The metro is fast. Le métro est rapide. Écologique. It's very environmentally friendly. C'est très écologique.